إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication de l'aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab avec les commentaires et les explications de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et le cheikh, il explique aujourd'hui un autre aspect de la croyance qu'il avait et qui est la croyance en même temps de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire qu'il dit « فَأُؤْمِنُوا بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ » Je crois en la fitna, c'est-à-dire en l'épreuve de la tombe et en le délice également de la tombe. Ça c'est quelque chose qui se produit après la mort. Donc le cheikh explique ça, le cheikh Al-Fawzan dit « هذا أول ما يكون في اليوم الآخر إذا وضع الميت في قبره وانتهي من دفنه وتولى عنه مشيعه وأنه لا يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيقعدانه فتعاد روحه إلى جسده ويحيى حياة برزخية ليست مثل حياته في الدنيا حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مات على الإيمان فيبعث عليه قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فإذا أجاب بهذه الإجابات ندى مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة ويوسع له في قبره مد بصره حتى يرى منزله في الجنة ويأتيه من روحها وطيبها ويصبح قبره روضة من رياض الجنة يقول يا رب أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. Donc le cheikh il commence en expliquant que au tout début la première chose qui arrive lorsque tu passes dans lorsque le jour dernier arrive ou lorsque tu meurs c'est que yani au moment où on va mettre le corps du mort dans sa tombe puis qu'on a terminé de l'enterrer, et que les gens qui ont transporté son corps dans la terre, ils vont commencer à s'en aller, et que le mort entend les pas des gens qui s'éloignent de l'endroit où ils l'ont enterré, il y a deux anges qui lui viennent, et qui s'assoient à côté de lui, et ils viennent pour enlever son âme. En fait, c'est au moment de la mort, ils enlèvent son âme, mais là, ils lui remettent, son âme revient dans son corps, c'est ça que je voulais dire. Son âme revient dans son corps, et là, à partir de ce moment-là, il commence une autre vie, c'est la vie qu'on appelle al-hayat al-barzakhiyya. C'est une vie dans une autre étape, c'est-à-dire après la mort, entre la mort et le jour de la résurrection, il y a cette vie intermédiaire qui est la vie de la tombe, on appelle al-hayat al-barzakhiyya, ok. Et donc cette vie-là, elle n'est pas comme notre vie dans cette vie d'ici-bas, elle n'est pas comparable, elle n'est pas régie par les mêmes règles, les mêmes lois, les mêmes choses. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la réalité de comment ça se passe dans cette dimension-là ou dans cette vie-là. Et les deux anges demandent à cet homme qui a été enterré et qui est dans sa tombe, ils lui demandent trois choses. Première chose, qui est ton Seigneur, c'est-à-dire qui est ton Créateur, ton Maître, hein? Et la deuxième chose, quelle est ta religion? Et la deuxième chose, quelle est ta religion? Et la troisième chose, qui est ton prophète? Le croyant, il va répondre sans difficulté. Il va dire, mon prophète, mon Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ma religion, c'est l'islam. Et mon prophète, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est mort sur la foi, et donc il sera ressuscité, sur cette foi-là. Et il mentionne le verset 27 dans Surat Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va raffermer ceux qui ont cru par une parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et il va égarer les injustes et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Donc, cette parole de fermeté que Allah va donner aux croyants, c'est bien entendu la parole de répondre, la force de répondre à ces questions-là avec des réponses qui sont correctes. Hein? Ça, c'est pour les croyants. Donc, lorsque la personne va répondre avec ces bonnes réponses-là, eh bien, on va entendre une voix. Il entend une voix qui appelle et qui dit « Mon serviteur a dit vrai ». Alors, tapissez-lui sa tombe avec du paradis, des morceaux une partie, comme du paradis. Qu'est-ce qui tapisse le paradis? Et ouvrez-lui une des portes vers le paradis. C'est-à-dire, montrez-lui, il va y avoir comme une sorte de porte ou une fenêtre par laquelle la personne peut regarder et voir le paradis. Et il voit, que sa tombe s'élargit, hein, sa tombe. Qui était étroite, elle devient large, la distance de son regard. C'est-à-dire, elle devient très très très vaste, et en même temps, il voit l'endroit où il va être dans le paradis, et il reçoit également du parfum et du vent de l'air du paradis en même temps, la bonne odeur du paradis, il le sent alors qu'il est dans sa tombe, et sa tombe devient comme un petit jardin, comme une partie du paradis. Et donc, il dit, « Ô Allah, ô mon Seigneur, fais venir l'heure du jugement pour que je puisse retourner à ma famille et à mes biens. » Il est heureux, il est content, il a hâte au jugement dernier parce qu'il sait qu'il a fait le bien et déjà dans sa tombe, il a déjà une annonce de qu'est-ce qu'il attend. Donc, il a hâte que le jugement dernier arrive. Après le cheikh dit أما المنافق الذي كان يعيش في الدنيا على الشك يقول بلسانه ما ليس في قلبه فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقرأ القرآن ويتعلم العلم ولكن ليس في قلبه إيمان إنما يعمل هذه الأشياء لمصالح دنيوية ليعيش مع الناس ولا يؤمن بها في قلبه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فهذا لا يستطيع الجواب وإن كان في الدنيا يحفظ كل المتون ويحفظ كل الأشعار والنحو والتفسير والحديث ما دام ليس فيه إيمان ولا يستطيع الإجابة في القبر في هذه اللحظة كلما سئل قال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يعني مثل ما يقوله الناس من غير إيمان في قلبه إنما يقول ذلك مجاملة ومسايرة للناس فيقال له لا دريت ولا تليت فيضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لثابت ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويصبح قبره حفرة من حفر النار فيقول يا رب لا تقم الساعة لأنه علم أنه ما بعد القبر أشد منه فيقول يا رب لا تقم الساعة. Donc ça c'est la deuxième partie, Allah nous protège, qu'Allah nous raffermisse, c'est la personne qui était hypocrite, elle, dans la vie d'ici-bas, était dans le doute, dans son cœur. Elle n'avait pas la foi sincère. Avec sa langue, elle dit quelque chose, mais cette chose qu'elle dit avec sa langue, elle n'est pas dans son cœur. Donc la personne, elle dit « La ilaha illallah », elle dit « Muhammad Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam, elle lit, elle récite le Coran, elle apprend la science, mais dans son cœur, il n'y a pas de foi. Elle fait ces choses-là pour des intérêts de la dunya, pour vivre avec les gens. Mais elle ne croit pas réellement à ces choses-là dans son cœur. Comme Allah il dit dans Surat Ali Imran, verset 167, au sujet des hypocrites, ils disent avec leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur. Donc ça, cette personne-là, elle ne sera pas capable de répondre aux questions des trois anges, même si dans cette, aux questions des deux anges, même si dans ce monde, c'est-à-dire les trois questions des deux anges, oui c'est ça. Donc même si dans cette vie, elle était parmi les gens qui avaient mémorisé le Coran, qui avaient mémorisé les livres de sciences islamiques dans les différents domaines de sciences, que ce soit dans la poésie ou bien la grammaire, le tafsir, le hadith, ainsi de suite, étant donné qu'elle n'avait pas une foi réelle, elle ne sera pas capable de répondre à cette question-là à ce moment-là dans la tombe. Cette personne ne sera pas capable de répondre du tout. À chaque fois qu'on va lui poser la question, qui est ton Seigneur, qui est ton messager, quelle est ta religion, qui est ton messager ou qui est ton prophète, la personne va répondre « Ha, ha, je ne sais pas ». C'est-à-dire, elle est confuse, elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas quoi répondre. Même si dans cette vie elle avait de la connaissance, elle avait de la science, elle ne peut pas répondre ce jour-là. Donc, le cheikh il dit que la personne, elle va répondre, comme c'est mentionné dans les hadiths à ce sujet, la personne elle va dire « Je ne sais pas, j'entendais les gens à l'époque, sur la terre, ils disaient quelque chose et moi je disais la même chose qu'eux et je répétais la même chose que les gens, sans avoir la foi dans son cœur. Donc il faisait ça en réalité, il disait cette parole uniquement pour satisfaire les gens, pour faire plaisir aux gens, pour bien paraître devant les gens, et donc on va lui répondre en disant tu ne savais pas et tu n'as pas récité réellement, donc on va le frapper avec une tige de fer ou un bâton de fer, et ce bâton-là, si on frappait avec une montagne, la montagne serait écrasée, fondue, complètement par terre. Et donc avec ce bâton-là, on va le frapper dans sa tombe, et yani, comme c'est mentionné dans le hadith à ce sujet-là, il crie d'un cri, que tout le monde l'entend, excepté les êtres humains. Tout entend ce cri-là, excepté les êtres humains. Et si on l'entendait, on serait foudroyé, tellement c'est fort. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? La tombe de la personne, elle s'écrase sur lui. Et ses côtes, elles rentrent les unes dans les autres comme ça, elles s'écrasent, les côtes de sa cage thoracique qui s'écrasent sur lui en même temps que la tombe se rétrécit sur lui, et puis la personne, sa tombe devient comme un trou parmi les trous de l'enfer, il crie, la personne elle dit « Ô Seigneur, ne fais pas venir le jour de l'heure du jugement, ne fais pas venir l'heure du jugement, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il l'attend, il sait que si, ce qu'il y a après la tombe, c'est plus dur encore pour lui, contrairement à celui qui était dans le bien dans sa tombe. » Le cheikh il dit « وَهَذَا مَا يَكُونُ فِي الْقَبْرِ وَالْإِيمَانُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ نَعِيمِهِ حَتْمٌ وَاجِبٌ » لأنه متواتر في القرآن والسنة بأدلته فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من جحده متعمدا فهو كافر أما من كان مقلدا أو متأولا فهذا ضال ولكن من أنكره بعد العلم به متعمدا فهو كافر وقد أنكرته المعتزلة العقلانيين لأنهم يعتمدون على عقولهم ويقولون لو فتحنا القبر وجدناه كما وضعناه ليس فيه جنة ولا نار فنقول أنتم في عالم الدنيا وهو في عالم الآخرة ويأتيه العذاب أو النعيم وأنتم لا تشعرون بذلك لأن هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولا تتسع العقول إلا إلى إدراك ذلك ولا تتسع العقول إلى إدراك ذلك وإنما يعتمد على ما صح به النقل وتواتر به الخبر فنؤمن به ولا نتدخل لأن هذا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى الشيخ التي ça, tout ça, ça se passe dans la tombe. Et c'est obligatoire de croire en cet aspect-là de la foi. Ça, c'est obligatoire de croire en ces choses-là qui sont mentionnées dans les textes, de croire au châtiment de la tombe et aux délices de la tombe. Et pourquoi ? Parce que c'est des choses qui sont mentionnées et rapportées par des nombreux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par plusieurs hadiths également. Dans le Coran, c'est mentionné et dans la Sunna authentique également. Les hadiths du châtiment de la tombe sont très nombreux. Juste pour vous mentionner un exemple, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de la prière, après le tashahhud, il a enseigné à certains des sahaba de dire, après le tashahhud, de demander la protection en quatre choses. Puis une de ces quatre choses-là, c'est le châtiment de la tombe. Donc ça veut dire que ça c'est une des preuves. Puis il y a des preuves dans le Coran aussi. Et le chef ne les mentionne pas, mais c'est juste pour faire comprendre le principe. Et il dit donc que c'est obligatoire d'y croire. Et que celui qui rejette la foi en le châtiment de la tombe ou le délice de la tombe, intentionnellement, alors celui-là il est mécréant. Sauf si c'est quelqu'un qui l'a nié parce qu'il suivait quelqu'un parmi les savants qu'il a entendu. Qui niait ça, lui il ne savait pas la réalité, alors il l'a nié parce qu'il a entendu quelqu'un d'autre qui disait que ce n'était pas vrai, ou bien parce qu'il avait mal compris, dans ce cas-là c'est un écarté, on ne va pas dire qu'il est kafir dans ce cas-là. Toutefois, celui qui le nie après avoir eu la connaissance des preuves dans le Coran et dans la Sunna, et qui le nie intentionnellement, alors lui il sera kafir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Donc, alors celui-là, il sera kafir. Il dit, et les mu'tazilas, les rationalistes, ceux qui se basent sur leur aql, qui mettent leur cerveau ou leur raison par-dessus la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, ils se basent sur leur raison et ils essaient de nier la foi en le châtiment de la tombe. Et c'est quoi leur argument? C'est des arguments soi-disant rationnels comme ils prétendent. Mais c'est bien entendu, c'est pas rationnel puisqu'ils ne comprennent pas réellement la réalité de ces choses-là puis ils les nient sans connaissance. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si on ouvre une tombe, si par exemple quelqu'un a été enterré, puis qu'on déterre cette personne, on creuse un trou pour enlever pour regarder à l'intérieur de la tombe qu'est-ce qu'il y a, ils disent, on va trouver que il n'y a pas de feu, puis il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de jardin dans la tombe. Donc, ils disent, ça c'est la preuve que ça n'existe pas. Et le cheikh, il dit, vous êtes dans le monde de la dunya, et lui, il est dans le monde de l'au-delà. Donc, le châtiment qui lui arrive, ou les délices qui lui arrivent, vous ne pouvez pas le voir, ou le comprendre dans cette vie d'ici-bas. Vous êtes pas capable, vous ne pouvez pas le comprendre et le connaître, parce que c'est un autre monde, une autre dimension. Après, le cheikh, il dit, la réalité de ce monde-là, dans l'au-delà, seulement Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Et votre intelligence ou votre raison n'est pas capable de comprendre la réalité de ces choses-là. Donc, il faut uniquement se baser sur les textes qui sont authentiques à ce sujet-là qui sont rapportés de façon authentique, et donc on, vous devez y croire, et ne pas rentrer avec votre intelligence ou votre raison soi-disant pour essayer de nier ces choses-là. Parce que le monde de l'invisible, hein, il n'y a personne qui le connaît, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. أنت تشاهد الناس الآن بعضهم في سرور وبهجة وبعضهم في هم وغم وهم كلهم يمشون ويأكلون ويشربون وأنت لا تدري عن هذا ولا عن هذا ولا تدري عن المسرور ولا عن المغتم لأن هذه الأمور هذه أمور باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فقوله فأؤمن بفتنة القبر فتنة القبر يعني الاختبار لأنه يأتيه الفتانان الملكان ويسألانه ويختبران. Donc le chef dit, toi tu vois les gens qui marchent dans la rue, hein, puis tu les regardes, mais tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Il y en a parmi eux, ils marchent, ils sont heureux. Et ils sont joyeux dans leur cœur, ils se sentent bien. Tandis qu'il y en a d'autres, ils marchent, ils sont remplis de soucis, remplis de tristesse, remplis de tracas et de toutes sortes de problèmes. Hein. Et pourtant, toi, tu ne ressens rien de ça. Hein. Donc, c'est pour te dire que tout ça, c'est des choses, tu ne peux pas les voir. Hein. Tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les sentir, mais ces gens-là, ils le sentent. Ils le sentent et toi tu ne peux pas le savoir. Donc c'est pour dire qu'il y a des réalités qui te sont invisibles, qui ne te sont pas connues et que tu ne peux pas comprendre hein, juste en regardant. Hein. Oui, c'est ça. Donc ça c'est exactement. Barakallahu fik. Ça, le cheikh il a mentionné dans d'autres livres qu'il a écrit l'exemple du rêve, par exemple. Comme c'est des deux personnes qui rêvent. Il y en a un, il rêve de quelque chose qui le rend content, il voit des choses qu'il aime, et l'autre il voit des choses qui lui font peur et qui l'effraient. Donc c'est pour dire que c'est deux réalités, quand tu les regardes les deux, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui se passe, mais eux ils sont en train de vivre ça. Ensuite le cheikh il dit, et donc quand le cheikh Mohammed ibn Abdullah Wahhab il dit, et je crois en la fitna de la tombe, en fitna tul qabr, ça veut dire le test ou l'épreuve de la tombe. Hein, les deux anges qui viennent pour demander et pour questionner et tester cet individu-là. Ensuite, le chef il parle d'un autre aspect aussi, de qu'est-ce qui se passe après la mort, c'est wa bi'i'adati al-arwah ila al-ajsad, fayakum al-nas li rabbi al-alamin. C'est-à-dire, il dit, et je crois également en le retour des âmes dans les corps, et que les gens vont se tenir debout devant le Seigneur de l'univers, ou des mondes, et ils vont être nu-pieds, ils vont être nus, et ils vont être incirconcis, c'est-à-dire comme ils étaient quand ils sont sortis du ventre de leur mère, hein, ils ne vont pas être circoncis. Et c'est-à-dire le soleil va être très très rapproché d'eux. Et le cheikh explique, il dit, cheikh al-Fawzan, il explique cette partie-là. Il dit, ثُمَّ بَعْدَ الْقَبْرِ الْبَعْثِ وَهُوَ إِعَادَةُ الْأَرْوَاحِ إِلَى الْأَجْسَادِ قَدْ أَنْكَرَهُ الْمُشْرِكُونَ وَالْمَلَاحِدَ وَقَدْ مَرَّ بِنَا شَيْءٌ مِنَ الْبَرَاهِينِ عَلَى ثُبُوتِهِ فِي الْقُرْآنِ الكريم وهي أدلة عقلية مذكورة في القرآن منها أن القادر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى وهذا دليل عقلي ودليل سمعي أيضا دليل عقلي سمعي ومنها أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها ومنها أن الله سبحانه منزه عن العبث ومنزه عن الظلم فلا بد من إقامة العدل بين عباده وهذا إنما يكون في الآخرة ولا يكون في الدنيا. Donc le chef il commence en expliquant que après le châtiment de la tombe, une fois que Allah subhanahu wa ta'ala va par la suite faire revenir les âmes dans les corps, et ça c'est quelque chose que les mushrikoun ont nié, hein, les mouchriquins ont nié ça, et on a déjà mentionné des preuves de ça dans le Coran pour mentionner ça au dernier cours. C'est-à-dire, hier, on a parlé de ça. Et le cheikh, il mentionne des preuves dans le Coran, qui sont des preuves rationnelles. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il mentionne des preuves rationnelles pour montrer que c'est pas impossible qu'il y ait un retour des âmes dans les corps et que les êtres humains reviennent à la vie, hein, et qu'ils sortent de la tombe de la terre par la suite. Et le chef, il mentionne parmi les exemples que Allah, s'il est capable de les créer la première fois, il est capable de les refaire encore plus facilement. Et ça, c'est une preuve qui est rationnelle et en même temps révélée. Et ensuite, il dit également, celui qui est capable de faire vivre la terre après qu'elle est morte, il est également capable de faire revivre les corps après que les corps soient morts. Et troisième exemple, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est purifié, ou bien on doit, disons, purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute forme d'absurdité ou de choses insensées ou de choses sans sagesse qui pourraient être faites. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait rien pour rien. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est pour une sagesse et pour une raison yani, qui est toujours bonne. Donc, il va pas créer le monde et puis les hommes vont mourir et il n'y a rien qui se passe après. Celui qui a fait le bien ne va pas être récompensé, celui qui a fait le mal ne va pas être puni. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas d'injustice envers les créatures. Donc, de croire que le monde serait créé comme ça pour rien et que les hommes périssent et qu'il n'y a rien qui se passe par la suite, il n'y a pas de résultat pour ça, ça c'est d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala de faire des choses absurdes, de faire des choses pour rien, ou bien yani, de ne pas avoir de sagesse et d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala d'injustice aussi. Et donc ça, c'est pas permis de dire ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut absolument dire que Allah subhanahu wa ta'ala va établir la justice entre ses serviteurs. Et ça, c'est uniquement dans l'au-delà. Hein? Parce que dans la vie d'ici-bas, on est témoin tous qu'il n'y a pas toujours de la justice. Parfois, il y en a, mais pas tout le temps. Et des fois, il y en a qui s'en tirent avec aucune punition, alors qu'ils ont fait du mal. Il y en a qui font beaucoup de bien et qui sortent et qui meurent sans jamais avoir eu justice pour le bien qu'ils ont fait ou récompense pour le bien qu'ils ont fait. Après le chef dit والقيام من القبور قال الله جل وعلا فيه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض يعني صعق يعني مات هذه نفخة الصعق فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض والأرض إلا ما شاء الله قيل الملائكة وقيل الحور العين ثم يؤمر ينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين تطير الأرواح إلى أجسادها في النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يعني تشقق الأرض عنهم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يعني يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يعني من القبور كأنهم جراد منتشر يكسون الأرض أو نعم يكسون الأرض من كثرة يكسون الأرض من كثرتهم مهتعين إلى الداع يعني منقادين لا يتأخر أحد ولا الكافر ولا المسلم لا يتأخر أحد منهم ولا يستطيع التأخر وفي الآية الأخرى يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفيضون نصب علم يعني علم يذهبون إليه ويسرعون إليه تسوقهم الملائكة لا أحد يتخلف. Le cheikh il dit que ensuite il y aura la résurrection, les gens vont sortir de la tombe et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 68 dans sourate Az-Zumar ونفخ في الصور et on va souffler dans le dans la trompe ou dans le clairon yani. Hein, dans, et yani, les gens vont être foudroyés dans les cieux et dans la terre. Les gens des cieux et de la terre vont être foudroyés, excepté celui que ce que Allah a voulu, illa man sha Allah. Donc ils vont être foudroyés, c'est-à-dire tout le monde va mourir, hein, parce que quand ils vont entendre ce son-là. Et donc tout ce qui est dans les cieux et sur la terre va mourir, sauf ceux que Allah a voulu. C'est-à-dire, certains ont dit parmi les savants les anges, et d'autres ont dit al-hur al-ain, c'est-à-dire les femmes du paradis. Ok. Puis Allah va ordonner qu'on souffre un deuxième coup, et à ce moment-là, tout le monde va, vont, les gens, les hommes vont, vont sortir de leur tombe, et les âmes vont voler jusqu'à leur corps. Ok. Ça, c'est dans le deuxième coup. Et il mentionne des versets qui parlent de ça. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى, encore dans le verset dans Surat al-Zumar, ça c'est la suite. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Puis on va souffler un autre coup, et les voilà qu'ils sont debout et qui regardent. تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ, comme c'est mentionné dans le verset 44 dans Surat Qaf. Le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment. Hein? C'est-à-dire, la terre va se fendre et eux, ils vont sortir. Hein? Comme on voit des fois, les koufars, ils font des films d'horreur des fois, puis tu vois les morts vivants qui sortent de la terre. Hein? Ils imaginent ça. Donc la terre va se fendre. Ça ne sera pas comme dans les films d'horreur. Hein? Parce que ce ne sera pas des monstres, ce seront des êtres humains comme on était créés la première fois. Donc, on sera vivant pour de vrai, on ne sera pas des morts vivants. Hein? Donc, le cheikh il dit qu'on va sortir de la tombe, des tombes rapidement, précipitamment. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا. Rapidement, les gens vont sortir. C'est pas lentement, c'est rapidement. Et puis, ils vont sortir et ils vont se diriger vers le lieu de réunion, le lieu de rassemblement, et ils vont être éparpillés comme des sauterelles. Hein? Vous connaissez les sauterelles? Bon, ici au Canada, il n'y en a pas des sauterelles comme. Il y en a des petites sauterelles, mais ce n'est pas ces sauterelles-là. C'est les grosses sauterelles longues, et quand elles voyagent en nuages. Hein? Et puis elles couvrent tout sur leur passage. Donc c'est dans ce sens-là. Donc le cheikh il mentionne la parole d'Allah dans le verset dans Surat Al-Qamar. Elle les récolte, elle mange tout. Hein? Elle mange tout. Quand elles arrivent dans un champ, quand elles partent, il n'y a plus rien. Elles ont tout mangé, hein? Subhanallah. Donc ça c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'il. Oui, c'est le verset. Oui, on a le droit de le manger. Ça, c'est un hadith là-dessus. أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَةً وَدَمَانْ أَمَّا الْمَيْتَةً فَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ الْحُوتُ الْجَرَادُ وَالْحُوتُ. Non, le prophète Hassan dit, il y a deux choses mortes qui vous est permis, puis deux sangs qui vous sont permis. Le premier, les deux choses mortes, c'est les sauterelles, c'est ces sauterelles-là, et les poissons. Puis l'autre, c'est al-kabit ou al-tihal. Al-kabit, c'est le foie, mais al-tihal, je ne me rappelle plus, qu'est-ce que c'est. Ah, la rate. Ah, ok, la rate. Donc, c'est ça. Donc, le verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset 6 et 7. Et le verset 6, c'est, ça dit, détourne-toi d'eux le jour où la pleure appellera vers une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées, courant le cou tendu vers la pleure. Hein, les mécréants diront, voilà un jour difficile. Donc ça, c'est les versets qui sont mentionnés à ce sujet-là. يعني يخرجون من الأجداث. الأجداث سبذين لتنب كأنهم جراد منتشر تدير comme des sauterelles éparpillées, c'est-à-dire il y en a tellement qu'ils recouvrent la terre complètement. Il y a plus d'espace. C'est pas comme aujourd'hui là, il y a 6 millions, ils disent qu'il y a 6 milliards d'êtres humains sur la terre. Imaginez si on fait sortir de la terre tous les êtres humains qui ont vécu depuis le début des temps, hein, jusqu'à la fin des temps. Là, c'est beaucoup plus que 6 milliards, hein. Donc la terre va être complètement couverte, hein, d'êtres humains. Et donc, ils vont se diriger tous rapidement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne pourront pas se dire comme, dire, ah, je ne vais pas y aller tout de suite, je vais attendre, ou bien retarder dans leur chemin. Non, ils vont tous y aller tout de suite. Et ils sont obligés, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, ils sont tous obligés de s'en aller à cet endroit-là où ils vont se réunir. Et il n'y en a personne qui retarde ou qui ralentit ou qui s'arrête. Et comme dans un autre verset, dans le verset 48, hein, « Mouhti'ina ila dar », c'est ça que ça veut dire, hein, « courant le cou tendu vers la pleure », et dans le verset dans surat qui est mentionné, surat al-Ma'arij, à la fin, « Le jour où ils sortiront des tombes, rapides, comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Hein, » Il a nusubin yufidun. Le cheikh dit le mot nusub, c'est comme des signes qui ont été placés et les gens se réunissent et se précipitent et se dépêchent vers cet endroit-là en particulier. Hein? Donc, les anges vont les tirer vers cet endroit-là et ils vont se dépêcher pour arriver là-bas. Il n'y a personne qui va être en retard ou qui vont ralentir. Après le cheikh dit وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعث من في القبور أرسل عليها نوعا من المطر ينزل من السماء لا يمنع منه شيء لا السقوف ولا غيرها وينفذ الأرض ويدخل إلى الأجسام في القبور فتنبت مثل ما ينبت الحب فتنبني الأجسام كما كانت ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ينادي مناد فيقول أيها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء فيجتمع الإنسان من الأرض ويجتمع بدنه كما كان إلا أنه ليس فيه روح حتى إنه لو مر عليه أحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان ما تغير منه شيء لشيخ الذكر كان الله سبحانه الله فعل الرزوركسيون des corps qui, pour les faire sortir de la terre, il va faire tomber une sorte de pluie, ok, et cette pluie-là elle va tomber du ciel et il n'y a rien qui peut l'empêcher, hein, d'atteindre les corps, que ce soit des toits ou autre chose, même s'il y a des choses par-dessus la terre, ça passe à travers, ça rentre jusque dans la terre et ça va dans les corps des personnes. Et après, quand ça arrive au corps des gens, les corps des gens reviennent et se reconstruisent comme une graine, hein, quand elle commence à pousser. Et les corps se reforment comme ils étaient. Et il mentionne le verset 25 dans Surat Ar-Rum, parmi ces signes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre, par son commandement. Ensuite, lorsqu'il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez. Okay? Donc on va tout sortir de la terre. Puis dans le verset 41 dans sourate Qaf, verset 41, il y a un autre verset aussi qui mentionne ça. Sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche. Donc, il y a quelqu'un qui va appeler ce jour-là, hein, qui va crier, et qui va dire, « Oh vous, les ossements qui sont comme en poussière, hein, et la chair qui est toute déchirée, et les cheveux qui sont tous éparpillés, Allah vous ordonne de vous réunir, de vous rassembler, et pour que il y a le jugement, hein, pour trancher et juger entre les hommes, comme c'est mentionné dans Tafsir al-Tabari. Et après, les êtres humains vont être réunis à partir de la terre. Hein. Les êtres humains, leur corps qui était décomposé dans la terre va se réunir, et leurs corps vont se refaire. Sauf qu'ils n'auront pas d'âme encore. Hein. Jusqu'à ce que, il dit le cheikh, si quelqu'un passe à côté de quelqu'un d'autre, et il le voit, il se dirait, c'est la même personne, c'est-à-dire, il n'y a rien de la personne qui a changé. Tu vas être recréé comme tu étais dans la vie d'ici-bas, sans que rien change de toi-même. Après, le chef dit, « Summa yu'maru israfil, fayanfukhu fissur, fa tatatayir al-arwah, li anna al-arwah majmou'a fissur. » فتتطير كل روح إلى جسدها ثم يحيون ويؤمرون بالمسير إلى المحشر ويقومون من قبورهم ويسيرون إلى المحشر ثم يجتمعون في المحشر فيقفون على أقدامهم في ضيق وفي ضنك وضيق وحر شديد تدنو الشمس من رؤوسهم ويأخذهم العرق والزحام الشديد لأنه يجتمع الأولون والآخرون في صعيد واحد فيجتمعون ويعرقون عرقا شديدا ويختلفون في العرق فمنهم من يلجمه العرق ومنهم من يأخذه إلى نصفه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه إلى آخره والوقوف يكون 50,000 سنة شاخصة أبصارهم حافية أقدامهم حافة حفاة ليس عليهم نعال وعراة ليس عليهم ثياب وغرلا يعني غير مختونين يقفون في هذا المحشر هذا الوقف الطويل يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين لشيخ الذكر في إسرافيل إفائيس أردني دسوفلي Et Israfil, quand il va souffler dans sa trompe, les âmes sont dans la trompe, à l'intérieur, dans le clairon. Donc, il souffle et toutes les âmes qui sont dans le clairon, elles sortent et elles s'envolent vers leur corps. Et puis, ensuite, les âmes reviennent dans les corps des gens. Et les hommes sont ordonnés de se diriger vers le lieu de rassemblement. Donc les hommes se tiennent debout de leur tombe, ils sortent de leur tombe, et puis ils se mettent en marche vers le lieu de rassemblement, puis ils se rassemblent tous, et une fois arrivés à ce moment-là, ils se tiennent debout sur leurs pieds, dans une position, une situation très... difficile, une mauvaise situation parce que tout le monde est serré et il fait chaud et le soleil est très proche de leur tête, hein, et il y a de chaque personne qui a de la transpiration et une foule, hein, parce que c'est une masse d'êtres humains qui sont tous collés les uns avec les autres, donc tout le monde est en train de transpirer, tout le monde a chaud et les hommes sont tous réunis, des premiers jusqu'au dernier, alors tout le monde est dans une seule et même place, tous réunis, en train de transpirer. Et il y en a qui transpirent beaucoup, jusqu'au point où ils se noient dans leur transpiration. Il y en a d'autres qui vont avoir leur transpiration jusqu'à la moitié de leur corps, d'autres vont avoir leur transpiration jusqu'à leurs genoux, ainsi de suite. Donc, ce moment-là dure pendant 50 000 ans. Hein, 50 000 ans. Et comme Naam, le jour de la résurrection. Et il y a un hadith qui dit que y a pour les mu'minines, par contre, ça va paraître comme très très court, comme la durée de l'Asr ou quelque chose comme ça. Non, non, je pense pas, parce que même non, c'est ça, ce jour-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a expliqué, même dans le Coran, il le dit, chaque personne va être occupée par ses propres problèmes et ses propres questions. Et le hadith de Aisha radiallahu anha, oui, quand elle a demandé, justement, comme Isa a dit, puis djihad. Non, non, pas le temps. Les gens vont dire, Aïcha radiallahu anha, elle a dit, mais les hommes et les femmes vont être nus, ils vont se regarder les uns les autres. Aïcha radiallahu anha, elle a posé cette question parce qu'elle est comme surprise de cette chose-là, que tout le monde va être réuni, puis on n'aura pas de vêtements et des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce qui répond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond en disant, ce jour-là, c'est beaucoup plus grave que ça. Les gens auront d'autres soucis, ils auront d'autres choses à penser que de penser à se regarder les uns les autres. Hein. Et puis, il y a des koufars aujourd'hui même, Allah musta'an, et ils s'amusent à faire ça, des photographes qui réunissent des gens dans des villes, ils vont dans différentes villes dans le monde, et puis, il est venu à Montréal, je me rappelle plus ça fait combien d'années, mais il dit aux gens, il donne un rendez-vous aux gens quelque part, il dit aux gens enlevez votre vêtement, tout le monde en même temps enlève leur vêtement, et puis là ils leur font poser, faire des photos. Hein. Et au jugement dernier, les gens vont être tous comme ça rassemblés et nus. Hein. C'est comme si ce gars-là, je ne sais pas pourquoi il fait ça, si... En tout cas, mais l'affaire c'est qu'est-ce que ça me fait penser, moi ça me fait penser le jour du jugement dernier quand les gens vont être réunis comme ça, tout le monde va être nu devant Allah subhanahu wa ta'ala, hommes et femmes. Et le cheikh il dit, comme il l'explique ici, les gens vont être debout comme ça, et شَخْصَةً أَبْصَارُهُمْ حَفِيَةً أَقْدَامُهُمْ, ils vont être nu-pieds, ils vont être nus. Ok, ils vont être nus, c'est-à-dire ils n'ont pas de vêtements comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont être non circoncis, hein, comme ils étaient créés la première fois, et ils vont être rassemblés, ils vont être debout pendant longtemps, et Allah rassemble tous les hommes comme on a dit. وَذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثَ نَفَخَاتٍ ثَلَاثَ نَفَخَاتٍ النَّفْخَةُ الْأُولَى نَفْخَةُ الْفَزَعِ في سورة النمل ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين والنفخة الثانية نفخة الموت في سورة الزمر ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله والنفخة الثالثة نفخة البعث في سورة الزمر أيضا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il mentionne qu'il va y avoir trois coups de clairon au jour de la résurrection. Le premier coup c'est al-faza, c'est-à-dire le coup qui va mettre l'effroi dans tous les cœurs, tous les hommes. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est dans Surat An-Naml, le verset 87, ok, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va, c'est-à-dire le jour où on va souffler dans la trompe, et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et sont dans la terre seront effrayés, ok, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. Et tous viendront à lui en s'humiliant. Ensuite, il y a le deuxième coup, c'est nafratul maut, le coup de clairon ou de trompe que tout le monde va mourir. Ça, c'est le verset 68 dans Surat al-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et on va souffler dans la trompe et tout le monde va être foudroyé. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre vont être foudroyés, excepté ceux que Allah a voulu. Puis le coup de trompe numéro, le troisième, c'est le coup pour la résurrection, et ça c'est aussi dans Surat al-Zumar, le verset 67, puis on souffle encore une autre fois, et les voilà qui sont debout, en train de regarder. Et le cheikh il dit, wa qawluhu tadnu minhum ash-shams hatta takun bi miqdar al-mil. ولكن المؤمنون يكونون في ظلال إن المتقين في ظلال وعيون ما يحسون بها ما يحسون بها لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة فالمؤمنون في راحة في هذا اليوم وكان يوما على الكافرين عسيرا وعلى الكافرين خاصة فإذا فإذا نقر في الناقور يعني السور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير أما المؤمنون فيكون يسيرا عليهم ويكونون في ظلال باردة وهذا الحشر إنما يحشرون في صعيد واحد ويسمعهم الداعي وينفذهم البصر والصعيد الواحد متساوٍ ليس فيه ارتفاعات ولا انخفاضات نعم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يقومون في هذا الصعيد المستوي الذي ليس فيه انخفاضات ولا ارتفاعات. Donc le cheikh il dit que le soleil va être très proche, hein, il explique les paroles de cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit le soleil sera très proche de la distance de Al-Mil, et Al-Mil comme les cheikhs l'ont expliqué, comme on l'a expliqué dans d'autres cours, c'est il y en a qui disent que c'est l'objet qu'on utilise comme pour mettre le kuhl dans les yeux, hein, on le met dans la bouteille, ça c'est comme un bâton, on le met comme ça pour mettre le kuhl dans l'œil, ça s'appelle en arabe Al-Mil. Et il y a une autre explication aussi que c'est une mesure de distance. Donc, le soleil sera très très proche de leur tête. C'est pas le mille comme le mille aujourd'hui, les mille aux États-Unis. Non, c'est une mesure quelconque. Mais Allahu a'lam la distance, combien ça correspond aujourd'hui. Mais l'important c'est de savoir qu'il se rapproche. C'est ça l'important. Et, donc les gens, comme on l'a dit tout à l'heure, vont avoir chaud ce jour-là. Et, il y en a qui comme des fois les choses qui demandent, mais comment les hommes vont être capables de supporter ça, puisque dans ce monde ici, si le soleil se rapproche juste de quelques millimètres, on va commencer à cuire sur la terre. Donc, les ulama ont expliqué que ce jour-là c'est différent. Allah, notre corps sera capable de le supporter. Et le cheikh il dit que les croyants, eux, pour eux, ils seront dans les ombrages. Ils auront de l'ombre. Hein? Et le chef, il mentionne des versets dans le Coran, comme le verset 41 dans Surat Al-Mursalat. Allah dit que les hommes pieux, les pieux, seront dans des ombrages et dans des wa'uyun, c'est-à-dire des ruisseaux. Ma yahsuna biha, c'est-à-dire eux, ils ne vont pas ressentir la chaleur et la proximité du soleil. Et il y a également le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le chef, il ne l'a pas mentionné. Mais il y a le hadith, oui, c'est ça, le hadith qui dit qu'il y a 7 personnes qui vont être couvertes de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, le jour où il n'y aura pas d'ombre que son ombre. Et après ça, il a mentionné les 7 personnes qui seront couvertes par l'ombre, il a mentionné un imam ou un dirigeant qui est juste, imam un adil. Et puis après, il a mentionné d'autres personnes également, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, une personne qui donne sadaqa, sa main droite, sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné, un homme qui est appelé par une femme riche et belle à faire le zina avec elle et il refuse parce qu'il craint d'Allah, une personne qui pleure par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et une personne qui aime une autre personne, il l'aime uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis il y en a peut-être quelques-uns plus que d'autres, mais bon, c'est juste pour mentionner ça. Pour ces gens-là, eux, ils vont être couverts par l'ombre. Oui, juste après, on mentionne ça, Inch'Allah. C'est durant le moment où les gens sont rassemblés sur la place où il y a le jugement dernier. Al-Arafa, Arafat al-Qiyama. Et Arafa, c'est la place où les gens sont réunis pour la résurrection. Donc, le cheikh, il dit, donc, il mentionne un autre verset, le verset 103 dans Surat al-Anbiya. Oui, c'est la terre, sauf qu'elle ne sera pas le jugement dernier va se passer sur la terre, sauf que la terre va être transformée ce jour-là. Il y aura plus de montagnes, il n'y aura plus de vallées, il n'y aura plus de toute la terre va être plate, comme une plateforme, oui. Il n'y aura plus de choses qui des creux ou des montagnes, plus rien. La terre va être aplanie. Hein. Et il y a un verset qui mentionne ça aussi. Le jour où la terre va être changée, transformée en autre chose. Quand on a fait l'Irshad, on a parlé des signes du jugement dernier. Et on a parlé de la foi en l'Yom al-Akhir et on a mentionné les détails de le rassemblement et tout, et le feu qui va sortir, qui va ramener tous les gens vers ce lieu-là, hein, et le feu qui les suit là où ils sont, hein, et qui s'arrête quand ils s'arrêtent et qui continue quand ils continuent, ainsi de suite. Non, moi je me souviens plus les détails en détail, mais Inch'Allah, là c'est juste un résumé que le cheikh il fait ici. Il dit, le verset 103, « La grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront, voici le jour qui vous a été promis. » Hein? Donc ça veut dire que ceux-là, ils vont pas être affligés par la terreur. Donc ça c'est, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous mette parmi ces gens-là, qui vont pas être affligés. Hein? Et ensuite, le chef dit donc que les croyants ils vont être dans le repos ce jour-là. Hein? Et il dit وَكَانَ يَوْمًا الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 26 dans Surat Furqan, et ce jour-là, ce sera un dur jour pour les mécréants. Ce jour-là, ce sera un jour difficile pour les mécréants. Et en particulier pour les non-croyants. Allah subhanahu wa ta'ala ici dans le verset 8 dans Surat Muddassir, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, et lorsqu'on soufflera dans la trompe, فَذَلِكَ يَوْمَ إِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, ce sera ce jour-là un jour difficile, عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ, pour les non-croyants, les mécréants, ce sera pas facile, hein, mais pour les croyants, ça va être facile, hein, pour eux, et ils vont être dans des ombrages, dans la fraîcheur, hein, ils vont pas sentir la chaleur et toute la difficulté de ce jour-là. Probablement, Allahu a'lam, mais c'est que Allah il va nous recréer puis il va nous donner notre corps comme il était. Mais sauf que comme on a vu tout à l'heure, le fait que c'est le jour de la résurrection puis qu'on est en train d'attendre le jugement et tout le monde est préoccupé par lui-même et qu'est-ce qu'il a fait. tu veux dire, est-ce que tu vas te souvenir de qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Probablement, puisque tu vas penser à tes actions. Donc si tu vas penser à tes actions, hein, exactement, Barakallahu fik. C'est comme le frère, il mentionne le verset dans Sourate Abassa. C'est ça, qui dit que ce jour-là, l'homme va suer de ses parents, de son frère, de sa mère, de son père, ainsi de, même de sa femme, de ses enfants. Tu vas t'enfuir, donc ça veut dire que tu vas être conscient. Hein. Chacun, il est occupé, il va être préoccupé par lui-même. Et le chef, il dit, ça, c'est le jour donc de la de rassemblement, et ils vont être rassemblés dans un seul endroit, et ils vont entendre l'appel de la personne, de celui qui appelle ce jour-là, et c'est une terre qui va être aplanie, il n'y aura pas de d'endroit élevé ou d'endroit rabaissé, tout le monde va être à une terre égale. Et il mentionne les versets 105 à 108 dans Surat Taha. Les versets 105 à 108 dans Surat Taha. Ce sont des versets qui parlent de ce jour-là. Et il t'interroge au sujet des montagnes. Il dit, mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme une plaine dénudée, dans laquelle tu verras ni tortuosité ni dépression. Ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité, ça veut dire il va pas y avoir des il va pas y avoir de désobéissance. Donc ils t'interrogeront sur les montagnes, on l'a dit. Donc c'est ça. Et tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Les voix vont se rabaisser. Les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Et tu n'entendras alors qu'un chuchotement. T'imagines? Les milliards d'êtres humains qui vont être là, il n'y a pas une personne qui parle, juste des chuchotements. Ça c'est le jour que les gens... Non, 50 000 ans, ça c'est le moment que les gens attendent que Allah commence le jugement dernier. Ok? C'est-à-dire, là les gens sont déjà ressuscités et ils sont mis sur la place où tout le monde est en train d'attendre que Allah commence à juger les hommes. Il y aura pas, le soleil sera au-dessus des têtes. C'est juste le soleil qui est au-dessus des têtes. Non, non, non. C'est un jour, c'est un seul jour. C'est pas 50 000 ans, c'est un seul jour. C'est ça. Non. C'est ça. Exactement. C'est comme le frère dit. Ça, c'est des choses, la réalité de ces choses-là, comment ça va se passer. Personne ne peut savoir exactement Allah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah il nous explique ça, juste qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour le craindre et pour se préparer pour ce jour-là. Et c'est ça l'important quand on entend parler de ça, c'est de se préparer, de faire les bonnes œuvres, d'avoir la foi et les bonnes œuvres pour être prêt à arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec qu'est-ce qu'il faut pour être dans la bonne situation. Ensuite, le cheikh il parle des balances. Il dit « wa tunsabu al-mawazin ». Ça c'est le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui dit « وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينَ وَتُوزَنْ بِهَا أَعْمَالَ الْعِبَادِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وَتُنْشَرَ الدَّوَاوِينَ فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Donc, au jour de la résurrection, on va placer les balances. Okay. Il y aura des balances qui vont être placées, et ça c'est pour peser les actions et les œuvres des êtres humains. Donc, celui qui aura une balance qui est lourde, qu'on va mettre dans sa balance des bonnes actions, puis que ça va être lourd, ceux-là vont être parmi les gens qui auront le succès, comme c'est mentionné dans le verset 8, dans Sourate Al-A'raf. Mais celui dont la balance va être légère en bonne action, il n'a pas beaucoup de bonnes actions, alors ceux-là ce seront ceux qui se sont perdus eux-mêmes. Et ils seront dans l'enfer éternellement. Donc, ce jour-là, on va placer les livres des actions des hommes vont être sortis, et chacun va prendre son livre, selon ce qu'il a fait, soit par sa main droite, ou soit par sa main gauche, il va prendre son livre. Qu'est-ce que tu disais? Dans l'enfer éternellement. Les actions. Ah oui, mais ça c'est pour les mouchriquines, c'est ça, oui c'est ça, pas pour les musulmans qui ont pas fait de shirk, qui ont pas fait de kofre et tout, ceux-là ils vont pas rester éternellement. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans les autres peuples, qui croyaient en Allah, qui ont pas fait de shirk, ceux-là sont des musulmans. Non, c'est ça. Ok, le cheikh dit « al-mawazin »,« mawazin al-a'mal »,« wa qad dhakaraha Allah » fi al-Qur'an, « wal-waznu yawma idhin al-haq » فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فالموازين ثابتة في القرآن وموازين حقيقية، موازين حقيقية لها كفتان، وتوضع الحسنة في كفة وتوضع السيئات في كفة، فإن رجحت حسناته فاز ونجا وأفلح فلاحا لا شقاء بعده، وإن ثقلت سيئاته فقد خاب وخسر، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الآية الأخرى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي قوله فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Donc le cheikh il mentionne les versets qui prouvent qu'il y aura des balances qui vont peser les actions au jour de la résurrection. C'est des balances spéciales. C'est pas des balances pour les matériaux ou l'or ou le métal ou les choses comme ça qu'on utilise pour peser les légumes ou le riz ou les trucs. C'est des balances qui pèsent les actions. Hein? C'est des balances qui pèsent les actions. Ok, et donc Allah subhanahu wa ta'ala va faire que nos actions vont être pesées au jour de la résurrection sur ces balances-là. Comme c'est mentionné dans le verset 8, dans Surat al-A'raf, il mentionne ce verset. Pardon, excuse. Verset 8 dans Surat al-A'raf. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Quant à ceux dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Ça c'est le verset dans Surat al-A'raf. Le verset 8 et 9. Et ensuite le cheikh mentionne le verset 103 dans Surat al-Mu'minun. Celui dont les bonnes œuvres étaient légères dans la balance, alors ceux-là sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes, qui ont perdu leur âme et qui seront éternellement dans l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans les versets, dans Surat Al-Qari'ah, le verset 6 à 11, celui dont les bonnes actions seront lourdes, alors ceux-là auront une vie de satisfaction, ils vont être heureux et satisfaits, tandis que ceux qui vont avoir une balance avec des actions, des bonnes œuvres qui sont légères, ceux-là seront dans l'enfer. Tous les êtres humains vont être pesés leurs actions, pas juste les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala va peser, comme le cheikh il va l'expliquer, même les kuffars, on va peser leurs bonnes actions, mais eux, les mauvaises actions, parce que les kuffars, ils n'ont pas de bonnes actions, en réalité. Donc on va l'expliquer ça tout à l'heure, ok? Ouais, ça peut avoir plus de valeur la personne qui est pauvre puis qui donne de ses biens parce qu'elle fait plus de sacrifices que la personne qui est riche. Donc à cause de ça, ça peut avoir plus de valeur. Exactement, parce que le sadaqa c'est proportionnel à la quantité d'argent que tu possèdes. Plus tu donnes, si tu as moins, tu donnes par rapport à la proportion que tu donnes, ça peut valoir plus que si tu as beaucoup puis tu donnes un peu. Le verset que je lisais tout à l'heure de 6 à 11, j'avais lu, il sera dans une vie agréable, et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, sa destination est un abîme très profond, et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. D'accord? Donc ça c'est pour la balance. Après le chef il dit que donc les balances c'est quelque chose qui est confirmé par le Coran, et ce sont des balances qui sont réelles, elles ont deux côtés, comme les balances dans notre monde, et on va mettre dedans les bonnes œuvres d'un côté, et de l'autre côté, on va mettre les mauvaises œuvres, les péchés. Et si les bonnes actions sont plus lourdes, alors la personne a réussi, elle est sauvée. Tandis que C'est-à-dire, il réussit d'un succès, il aura un succès après lequel il n'y aura jamais de tristesse ni de malheur. Tandis que celui dont les mauvaises œuvres sont plus lourdes, eh bien celui-là, il a perdu. Hein, il a perdu et il va périr. Il mentionne le verset 9 dans Sourate Al-A'raf, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, comme j'avais lu ça tout à l'heure, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, et celui dont la balance sera, les bonnes œuvres qu'il a faites seront plus légères, alors ceux-là se seront perdus eux-mêmes à cause de l'injustice qu'ils ont fait envers les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans l'autre verset, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, et ceux dont les bonnes œuvres ont été plus légères, ils se seront perdus eux-mêmes, et ils seront dans l'enfer éternellement. Et ou bien qui ont fait ceux qui comme Khafat Mawazino, celui qui aura une balance légère, c'est-à-dire le côté où il y a les bonnes œuvres est plus léger que l'autre côté, ceux-là vont être dans l'enfer pour l'éternité. Et Fa'umuhu Hawiya, sa destination sera Hawiya, Al-Hawiya, et c'est quoi Al-Hawiya? C'est un feu ardent. C'est ça, qui te dira c'est quoi Hawiya? C'est un feu ardent. Après le Cheikh il dit, قَالَ فَأَخِذُنْ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَخِذُنْ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Oui, il y aura un musulman, c'est quelqu'un qui est sur le tawhid. Un musulman, c'est quelqu'un qui est sur le tawhid. Lui, il va pas, même s'il a fait des péchés, même s'il n'avait pas fait beaucoup de bonnes œuvres, il va pas, même si Allah le punit en le mettant en enfer, il ne restera pas éternellement en enfer parce qu'il a une attente de foi dans son cœur. Et oui, c'est ça. Et celui qui va rester éternellement dans l'enfer, c'est celui qui était soit un mouchrik, qui a fait un shirk majeur, ou qui a fait le kufr majeur. Lui, il va rester éternellement en enfer, il va jamais sortir. Mais celui qui a dit la ilaha illallah avec sincérité, hein, même s'il avait pas fait de bonnes œuvres, hein, c'est-à-dire il est mort, puis avant le temps qu'il ait pu croire, faire toutes les actions, ou bien qu'il a fait juste le minimum, il n'avait pas fait beaucoup de bonnes actions et qu'il avait fait beaucoup de péchés, celui-là, même s'il rentre en enfer, il ne va pas rester éternellement en enfer. Il va sortir après. Exactement, parce que peut-être que cette personne-là, elle a fait des bonnes œuvres, assez de bonnes œuvres pour effacer les péchés qu'il a fait, ou bien peut-être qu'il a eu des épreuves dans sa vie, ou des maladies, ou des malheurs, qui font que Allah lui a effacé certains de ses péchés avant qu'il meure. À cause de ça, Allah lui fait miséricorde, il le rentre au paradis direct. Tandis que d'autres, ils vont passer une période de temps en enfer. Ça, c'est ça ce que ça signifie. Non, non, le verset, il dit, le verset, c'est le verset 103. Il dit, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Ça, c'est le verset 103 dans Sourate Al-Mu'minun. Celui dont les balances sont légères, ils seront dans l'enfer pour l'éternité. خَالِدُونَ, c'est-à-dire éternellement. Non, c'est celui dont la balance, la balance des actions sera légère, il sera en enfer pour l'éternité. C'est pas dit est-ce que c'est le croyant ou le non-croyant, c'est dit quiconque. Celui qui est croyant, même si sa balance est légère, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait beaucoup de bonnes œuvres, il y a même un hadith qui parle de ça, c'est le hadith al-Sijil. Hein? En tout cas, écoute bien ce hadith. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, parce que tous les versets et tous les hadiths, tu ne peux pas les prendre individuellement, chacun. Tu dois apprendre tous les versets, tous les hadiths qui parlent d'un sujet et les mettre ensemble. Tu ne peux pas juste dire, je prends un verset parmi les versets qui parlent de ce sujet-là, puis je me base sur lui seulement. Non. Parce que tous les versets et les hadiths, ils s'expliquent les uns les autres par rapport à ce sujet-là. Si, c'est ça. Parce que si tu prends juste un et tu le sépares des autres, puis tu essaies de le comprendre tout seul, sans le mettre en relation avec les autres versets qui parlent de ce sujet-là, c'est certain que tu vas sortir avec une fausse interprétation ou une mauvaise compréhension. D'accord? il est garanti d'aller au paradis, celui qui est mort sur le tawhid, un jour, soit directement ou soit après quelque temps. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un hadith, j'aurais voulu vous le mentionner, mais peut-être la prochaine fois, parce que là, j'ai pas le temps, mais c'est juste pour dire. Et je vais terminer la partie de ce chapitre que le cheikh il explique. إذا فأخذون كتابه بيمينه وأخذون كتابه بشماله قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي فرح به ويريه الناس يقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي يعني في الدنيا ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابي فاستعددت لذلك فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الخالية يعني الماضية في الدنيا. Donc le cheikh il dit que également le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit et je crois que les hommes vont recevoir leur livre, vont prendre leur livre par la main droite et d'autres vont prendre leur livre par la main gauche. D'autres personnes vont prendre leur livre par leur main gauche. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui à qui on va donner son livre par la main droite, ceux-là vont être heureux. Ils vont dire, ah, lisez mon livre, lisez mon livre. Ils vont être contents, ils vont montrer ça aux gens. Regardez mon livre, ils sont heureux, ils se réjouissent. Et il dit aux gens, lisez, regardez mon livre, lisez mon livre. C'est comme quand quelqu'un, il a reçu son bulletin, quand il a passé son examen, il a une bonne note, il est content de dire à tout le monde, regardez, mon bulletin, j'ai réussi, j'ai une bonne note. Il n'a pas honte, il n'est pas gêné, au contraire, il est heureux, il veut le montrer à tout le monde. Et je savais que j'allais avoir un bon résultat, que j'allais recevoir cette bonne note. Quand j'étais dans la vie d'ici-bas, je savais que je m'étais bien préparé et que je vais avoir un bon résultat. C'est comme quand quelqu'un qui a étudié bien pour l'examen, il est prêt. Il a dit, ah, j'ai travaillé, j'ai étudié longtemps, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour réussir, je suis pas allé me promener, aller jouer, aller fêter, non, j'ai fait ce que j'avais à faire, et là, j'étais sûr que j'allais avoir ce résultat-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il sera dans une vie agréable, dans des jardins élevés, les fruits qui sont à la portée de la main, buvez. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés, c'est-à-dire dans les jours passés de la vie dans ce monde. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ وَهَذَا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَا رَأَيْتُ هَذَا الْكِتَابَ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ القاضية يعني الموت ليتني مت ولم أتي هنا ولم أبعث ما أغنى عني مالية في الدنيا هلك عني سلطانية يعني ليس لي حجة على الله جل وعلا ثم يقول جل وعلا للملائكة خذوا فغلوه إلى آخر الآية فهذا حال من أحوال القيامة في هذه السورة وهو متكرر في القرآن. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne celui qui va recevoir, ça c'est le verset dans sourate Al-Haqqa encore, le verset 25, celui qui va recevoir son livre par la main gauche, il va dire malheur à moi, j'aurais préféré ne pas recevoir mon livre. Et j'aurais préféré ne pas savoir ce qui était dedans. Et ne pas savoir ce qu'était mon jugement et qu'est-ce qui va m'arriver. J'aurais pas voulu voir ce livre-là. Et Allah s'assa, il dit dans surat Al-Kahf, فَوُضِعْ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Dire, malheur à nous. Qu'a donc ce livre? Il dit, subhanallah, qu'est-ce qu'il a ce livre? Il n'a rien laissé. Il n'a rien omis, il n'y a rien qui mange dedans. Tout est dedans, subhanallah. Qu'est-ce qu'il a ce livre? A mentionné tout. Malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché, petit ni grand, hein, excepté qu'on le retrouve dedans. Hein, et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Donc ça c'est l'exemple du verset qui parle de ça aussi, que le cheikh n'avait pas mentionné, mais il y en a plein comme ça dans le Coran, et ils vont dire, Ya laitani lam uta kitabiya. Je préfère qu'on ne me donne pas mon livre et que je ne connaisse pas mon sort, hein, mon décret, mon jugement, et que je serai fini, que je serai mort tout de suite. C'est-à-dire que quand la mort était venue, que j'allais pas être ressuscité, que ça allait être fini. Comme les kuffars aujourd'hui, ils s'imaginent qu'il n'y a pas de jugement après la mort, tu meurs puis c'est fini, tu ne reviens pas après. Donc eux, ils souhaiteraient que ce soit comme ça. Tout son, ses biens qu'il avait dans, sa, dans cette vie, ça lui a servi à rien, et même il n'a plus de preuves devant Allah pour quoi que ce soit de ce qu'il faisait. Et Allah ordonne aux anges, il dit « Khudhuhu farullo » prenez-le, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Hein, un carcan. C'est un carcan là, c'est, vous savez c'est quoi? Vous savez, quand c'est comme une planche de bois avec trois trous dedans. Deux trous pour les, un gros trou pour le cou, puis deux trous pour les mains, avec des chaînes. Et ça, on le met dans son cou, et ses mains, puis là, il est dans un carcan comme ça. Donc, khudhuhu farullo. Hein? Donc, ça veut dire, prenez-le et mettez-lui un carcan comme ça. Donc, il est comme ça, il ne peut plus bouger. Donc, Allah musta'an, ça, c'est ce qui arrive. Hein? Et après la la summa khuduhu farulluhu summa al-jahima sallu, puis prenez-le dans la fournaise, dans la fournaise, puis après il dit et enchaînez-le dans une chaîne khamsuna zira'an fasluku, dans une d'une longueur de 50 zira, c'est une distance, yani c'est la longueur d'un bras. Donc un zira c'est un avant-bras, donc 50 coudées, yani de longueur de chaîne qu'on l'utilise pour l'entourer. Donc ça c'est pour dire des exemples de qu'est-ce qui attend les koufas et les mujrimines, les criminels au jour de la résurrection. Et il y a beaucoup de choses de ce genre dans le Coran. Donc nous on va s'arrêter à ce point ici pour ou bien ça de nous. Ok. Donc c'est ça. Comme le frère dit, il y a un hadith qui mentionne que les, il y a une catégorie de, c'est-à-dire tout le monde va être dans leur tombe, on va rétrécir la tombe sur eux, puis leurs côtes vont être écrasées, hein, les unes dans l'autre, dans les autres, excepté il y a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il devait y avoir une exception, ce serait Sa'd ibn Mu'adh, hein. Donc oui, à cause de l'urine qu'ils ont, ils se sont pas protégés des gouttes d'urine, puis à cause de an-namima. C'est-à-dire ils font circuler des fausses rumeurs et des choses fausses et des choses comme ça, oui. Donc on arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.